On va parler avec Wallet, c'est la chronique de l'NCAA, c'est la semaine numéro 0. Salut Wallet! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien Wallet, qui est du site internet labitsnfl.com. Wallet, vous pouvez lire ses excellents papiers tous les jours, pas tous les jours, mais environ 2 fois par semaine, hein Wallet? 2 à 3 fois par semaine, tout Ouais. dépendant de ce qui se passe dans l'actualité, oui. Ouais, ok. Wallet, on va y aller avec ce qui s'est passé finalement dans le Heisman. C'est la course au trophée Heisman cette année encore une fois. La semaine passée, tu as fait ton top 10. On va y aller avec les top 5, tiens. Est-ce qu'il faut classer Trevor Lawrence comme étant le premier choix en vue Ben, de... comme beaucoup de gens, Trevor Lawrence est vu numéro 1 en début de saison. Il y a beaucoup de matchs à jouer, les choses peuvent changer, mais c'est un choix judicieux, c'est un choix qu'on sait là, qui va être un joueur important, qui va avoir un impact important sur son équipe. Moi, je le classe pas premier. C'est pour ça que je vais présenter mon top 5. Là. Avant de commencer le top 5, je voulais juste dire, faire une parenthèse. Le Heisman, c'est un trophée qui est hyper prestigieux, mais c'est un trophée qu'on remet tout le temps à des carrières ou des porteurs de ballon. Donc, même si un joueur en défensive connaît une saison exceptionnelle, les chances de le voir au sommet du Heisman sont très minces. Donc, si tu me permets, je vais y aller tout de suite avec mon top 5. En cinquième place, un revenant, Khalil Tate, le corps arrière des Wildcats d'Arizona. On se rappellera qu'en 2017, Khalil Tate avait connu une saison exceptionnelle pour les Wildcats. L'an dernier, ça a été un petit peu plus difficile avec l'arrivée de Kevin Sumlin comme instructeur-chef de l'équipe. Moi, je pense qu'avec une saison morte puis une deuxième saison pour apprendre le livre de jeu, ça peut être le retour de Tate. C'est assez impressionnant à voir jouer, là. C'est pas ton corps arrière typique qui va lancer pour 4000 verges, mais il va courir pour 2000 puis lancer pour 2000. Assez impressionnant à voir sur un terrain. En quatrième position, pardon, j'ai Kellen Mond, le carrière de Texas A&M. Mond nous avait montré de super belles choses en 2018 avec à sa première saison dans le college football, puis à sa première saison avec Jimbo Fisher comme instructeur-chef des Aggies. Je m'attends à une grosse saison de Kellen Mond, puis je le dis à chaque année, il y a tout le temps un ou deux joueurs un peu sortis de nulle part là, qui se font une place dans le top 5. Moi, cette année, c'est puis Kellen Mond. Après ça, en troisième place, je vais peut-être surprendre beaucoup de gens. Moi, je place Trevor Lawrence, le corps arrière de Clemson. Puis, j'explique la raison pourquoi. En ce moment, dans l'équipe de Clemson, il y a trois gars qui peuvent facilement dire qu'ils pourraient remporter le trophée Heisman. Travis Etienne, le porteur de ballon. Puis, Justin Ross, le receveur de passe de Trevor Lawrence. Puis, je pense que ces trois gars-là, combinés ensemble, vont faire en sorte que Lawrence va peut-être recevoir moins de votes au final. Mais regarde, c'est pas une mauvaise prédiction de dire que Trevor Lawrence va gagner le Heisman. Moi, c'est seulement ma perception. Je pense qu'avec un joueur aussi talentueux que Travis Etienne comme porteur de ballon, ça va enlever un petit peu de vote à Trevor Lawrence. Par la suite, en deuxième place, puis il y a beaucoup de gens qui vont se demander, ben là, c'est qui tu mets premier? En deuxième place, moi, je mets Tua Tagovailoa de Alabama. Ça fait 2 ans qu'il te file, qu'il s'était quasiment gagné la semaine. Hein? Puis, ouais, je sais, puis regarde, je pense que ça va être le même son de cloche cette saison. Je pense que Tua va connaître une saison tellement exceptionnelle qu'il ne jouera pas beaucoup au quatrième quart, comme l'an dernier. Puis les gens vont dire, ouais, on n'a jamais vu Tua dans un match important, on n'a jamais vu Tua revenir dans un match. Et il gagnait tous ses matchs par 14 points. Moi, je pense que c'est ça qui va faire mal à Tua. Puis, la personne que je place au premier rang, qui que je pense qui va gagner le Heisman, j'en avais parlé l'an dernier au mois de décembre. J'ai fait un peu mon lit avec ça, puis je pense que je suis assez confiant de mon choix. J'y vais avec Sam Hellinger, le carrière de Texas. Beaucoup, beaucoup de gens voient Texas revenir au sommet cette saison. Contrairement à Trevor Lawrence, puis contrairement à Tua Tagovailoa, qui ont beaucoup de joueurs de soutien autour d'eux, Sam Hellinger est un peu tout seul. Sam Hellinger, c'est un gars qui me fait énormément penser à Tim Tebow, mais avec un meilleur bras, une meilleure motion de tir. Si Texas connaît vraiment une saison au-delà des attentes, qu'on les voit finir très près du top 4, moi, je pense que Sam Hellinger, ça va être un nom qu'on va entendre parler là, tout au long de la saison. Il y a deux gars que je veux te parler qui sont pas que tu n'as pas nommés, qu'on les place quand même assez haut. C'est Justin Herbert d'Oregon et le porteur de ballon de Wisconsin, Jonathan Taylor. Taylor. Est-ce que c'est deux gars que tu vois quand même assez haut? Tu les vois pas dans d'autres Écoute, je me suis limité à un top 5, là, mais c'est des gars qui, naturellement, seraient dans mon top 10. Je pense que Justin Herbert, l'an passé, a connu une bonne saison, mais il y a eu des blessures. S'il revient aussi fort qu'il était durant la saison de l'an dernier, je pense que c'est un joueur qu'il va falloir surveiller. Puis surtout, Un fait qui est assez intéressant avec Justin Herbert, c'est qu'en ce moment, sa ligne offensive compte trois joueurs qu'on voit être repêchés dans le prochain repêchage de la NFL. Donc, il va avoir une excellente protection. Le gars, il a un bon bras. Le seul problème avec Justin Herbert, c'est que la Pac-12, c'est un peu la conférence mal aimée. Les matchs sont tellement tard en fin de soirée que beaucoup de gens ne regardent pas les matchs. Donc, on ne sait pas trop ce que Justin Herbert fait. Puis, pour ce qui est de Jonathan Taylor, c'est un joueur assez complet. C'est un excellent joueur de football. Ma seule crainte, c'est un peu ce qui s'est passé l'an dernier. Là, Wisconsin, ils ont fini un peu leur année en queue de poisson. Je me rappelle bien, ils ont fini la saison à 8-4. S'ils connaissent une saison similaire, cette année, même si Jonathan Taylor connaît une saison exceptionnelle avec 2000 verges au sol, c'est assez dur de gagner le trophée du joueur le plus méritant quand ton équipe mérite à peine une place à un bowl. Là. Donc, c'est un peu pour ça que je les place pas dans mon top 5, mais regarde, je l'ai dit plus tôt, il y a tout le temps des joueurs un peu sortis de nulle part là, qui réussissent à se faufiler dans ce fameux top 5. Là. Hey, dis-moi, j'ai vu quelque part une article, je l'ai pas lu, mais j'ai vu que le coach de Clemson estimait que c'était la meilleure équipe de la GNC College Football de tous les temps, son équipe. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, si je me rappelle bien, c'était son équipe de l'an dernier. Ok, ouais. Tu l'as vu l'article, le même article aussi? Oui, j'ai entendu une partie de l'entrevue là, qu'il avait faite dans le fond, à chaque été, là, toutes les conférences ont leur ils ont une semaine où est-ce qu'ils appellent ça le Media Week, là, où est-ce que tous les journalistes vont leur parler. Puis coach Dabo Swinney avait justement dit que selon lui, l'équipe 2018 des Tigers de Clemson avec la défensive monstrueuse là, qu'il y avait avec Dexter Lawrence puis Clinton Farrell puis l'offensive avec Trevor Lawrence, que c'était selon lui la meilleure équipe de tous les temps dans le college football. Naturellement, il va prêcher pour sa paroisse, puis il veut pas, c'est le genre de commentaire qu'il va utiliser quand il va faire son recrutement, puis il va se présenter dans une maison puis essayer de vendre à deux parents puis un kid de 17-18 ans, elle vient jouer à Clemson. OK, mais faut qu'on irait jouer à Clemson, là, regarde, on vient d'avoir la meilleure équipe, selon moi, de l'histoire du college football à cause de ces facteurs-là. Puis, sur papier, c'est dur de le contester, puisque c'est la première équipe de l'histoire à avoir une fiche de 15 victoires et aucune défaite dans les 150 ans du college football. Donc, c'est une marque qui va être quasiment impossible à battre. Est-ce que ça va être égalé dans le futur? Bien, on va voir, mais ça va être une marque à battre là, avec 15 victoires et aucune défaite. C'est la semaine 0, il y a deux matchs, un à TSN qu'on va voir, l'autre, j'imagine qu'il est disponible sur le net. Vous avez un vous avez juste à regarder quelque part. Donc, c'est Florida contre Miami. C'est à 20h demain sur TSN. Et l'autre, c'est Arizona-Hawaii. Bon, vous avez bien qu'à regarder sur le net, c'est sûr qu'il est disponible à quelque part. Oui, c'est ça. Le gros match, comme tu l'as mentionné, là, c'est Florida, la huitième équipe au pays, Florida, qui sont largement vus gagner dans ce match-là. Puis aussi, il y a aussi les émissions d'avant-match qui commencent, là, fait qu'un peu pour se mettre l'eau à la bouche, là, puis pour se préparer pour la semaine prochaine. C'est assez intéressant là, de voir ce que les analystes ont à dire. Pour ce qui est du match là, entre les Gators et les Hurricanes, bien, les Gators vont compter sur le retour de Philippe Frank, leur corps arrière là, qui a connu des bons moments en 2018. Là, puis je pense que c'est lui qui pourrait faire la différence pour les Gators cette saison. Beaucoup de gens pensent que les Gators, c'est un peu la deuxième meilleure équipe dans la SEC, que ceux qui ont le plus de chances de battre Georgia. Donc, ça va être vraiment à eux de montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire contre Miami. Miami vont avoir un corps arrière de première saison. Je pense que ça va être intéressant là, de suivre les Hurricanes tout au long de la saison, voir qui va rester au sommet là, de la hiérarchie des corps arrière là, pour cette équipe-là. OK. Et Arizona contre Hawaii, c'est une équipe du Pac-12 contre une équipe du MAC. Mountain West. Mountain West, oui, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est samedi soir, c'est ça aussi? Oui, samedi soir, le match est tard. Il est à 10h30, heure du Québec. Donc ça, les plus maniaques, là, c'est un match en fin de soirée. Moi, je pense que ça peut être un match intéressant. Là. Comme je l'expliquais tantôt, je parlais de Khalil Tate, là, le corps arrière d'Arizona. Ça va être vraiment là qu'on va voir si c'est un gars qui est prêt là, à faire changer la dynamique de l'offensive de son équipe. ça peut être un match intéressant. Effectivement. Wallet, on se parle la semaine prochaine avec les matchs. Ben ouais. Parfait. Bonne voilà, semaine, Ben. Wallet, c'est internet, lebetsnfl.com.